J'ai tellement pleuré, tellement attendu, j'ai tellement prié, personne ne m'a entendu. Toute cette vie que j'ai connue, il n'y a que de l'ennui qui est venu. Tout ce qu'on m'a raconté, j'y ai cru. J'ai pas marché, j'ai couru. J'ai tellement pleuré, tellement attendu. Tellement prié, personne ne m'a entendu. Des jours quelques inconnus, pouvoir enfin parler, au moins être vu. Le grand bonheur, je l'ai entrevu. Mon cœur et tout a disparu. J'ai tellement pleuré, tellement attendu. J'ai tellement prié, personne ne m'a entendu. Seul, je me retrouve avec mon amadou. Il faudra que le ciel s'ouvre pour que je tombe des nues. Tellement attendu, j'ai tellement prié, personne ne m'a entendu.